Je suis l'anonyme héroïne d'une croisade épistolaire pour tuer à l'encre de Chine. Personne d'autre n'a mon savoir-faire. Je suis le corbeau du village. On lançait des choses à mon âge. Je me renseigne et je brode un peu. Je suis sûr que mes lettres font des heureux. La la, la la, la la la. La la la, la la. Aujourd'hui en rentrant du marché, je suis passé par la commandanture. Et dans une lettre que j'ai déposée, j'ai balancé 2-3 ordures. J'ai parlé du docteur Bertrand, lui il paraît qu'il aide des gens. Puis j'ai dénoncé le grand Rémi parce que je l'aime pas, tant pis pour lui. Je suis le corbeau du village, on en sait des choses à mon âge. Je me renseigne et je brode un peu, je suis sûr que mes lettres font des heureux. Je suis l'anonyme héroïne d'une croisade épistolaire pour tuer à l'encre de Chine. Personne d'autre n'a mon savoir-faire. La la, la la, la la la. Je ne cherche pas les honneurs, faire mon devoir, c'est mon bonheur. Quelle chance de vivre dans un pays où on ne verrouille pas sa porte la nuit. Remarque, j'en connais quelques-uns, des traînes savates et des gredins qui n'ont pas leur conscience pour eux et qui s'enferment à qui mieux mieux. Parce que grâce à des gens comme moi, ils savent qu'un jour arrivera où au petit matin très tôt débarquera la Gestapo. Je suis le corbeau du village, on lançait des choses à mon âge. Je me renseigne et je brode un peu, je suis sûr que mes lettres font des heureux. Je suis l'anonyme héroïne d'une croisade épistolaire pour tuer à l'encre de Chine. Personne d'autre n'a mon savoir-faire. La la, la la, ta la la la. J'en balance pas beaucoup parce qu'ils m'évitent, ils sont pas fous. Il faut dire qu'avant-guerre déjà ça se savait que je les aimais pas. Mais maintenant que les Anglais approchent, c'est leur balancer quelques boches. Tant pis pour le déserteur planqué depuis hier dans mon grenier. Je suis le corbeau du village, on en sait des choses à mon âge. Je me renseigne et je brode un peu, je suis sûr que mes lettres font des heureux. Je suis l'anonyme héroïne d'une croisade épistolaire pour tuer à l'encre de Chine. Personne d'autre n'a mon savoir-faire. La la, la la, la la la la. C'est fou comme le vent tourne vite. Héros maintenant, hier en fuite. Depuis que les Allemands sont partis, moi je verrouille ma porte la nuit. Aujourd'hui en rentrant du marché, il y a 2 gendarmes qui m'ont arrêté. Il paraît que j'informais l'occupant que je balançais des résistants. Et quand j'ai demandé personne, madame, tout le monde savait que j'étais le corbeau du village, qu'on lançait des choses à mon âge. Je me renseigne et je brode un peu, je sais que mes lettres font des heureux. Je suis l'anonyme héroïne d'une croisade épistolaire pour tuer à l'encre.